À quoi je songe de Victor Hugo, enregistré pour LibriVox.org. À quoi je songe, hélas, loin du toit où vous êtes, enfant, je songe à vous, mes jeunes têtes, espoir de mon été déjà penchant et mûr, rameau dont tous les ans l'ombre croît sur mon mur, douces âmes à peine au jour épanouies, des rayons de votre aube encore tout éblouis. Je songe aux deux petits qui pleurent en riant et qui font gazouiller sur le seuil verdoyant comme deux jeunes fleurs qui se heurtent entre elles, leurs jeux charmants mêlés de charmantes querelles. Et puis, père inquiet, je rêve aux deux aînés qui s'avancent déjà de plus de flots baignés, laissant pencher parfois leur tête encore naïve, l'un déjà curieux, l'autre déjà pensive. Seul et triste au milieu des chants des matelots, le soir sous la falaise à cette heure où les flots, s'ouvrant et se fermant comme autant de narines, mêlent au vent des cieux mille haleines marines, où l'on entend dans l'air d'ineffables échos qui viennent de la terre ou qui viennent des eaux. Ainsi je songe, à vous, enfants, maison, famille, à la table qui rit, au foyer qui pétille, à tous les soins pieux que répandent sur vous votre mère si tendre et votre aïeul si doux. Et tandis qu'à mes pieds s'étend couvert de voiles le limpide océan, ce miroir des étoiles, tandis que les rochers laissent errer leurs yeux de l'infini des mers à l'infini des cieux, moi, rêvant à vous seul, je contemple et je sonde l'amour que j'ai pour vous dans mon âme profonde, amour doux et puissant qui toujours m'est resté, et cette grande mer est petite à côté. Fin du poème, enregistré par Laure. Cet enregistrement fait partie du domaine public.